ce vendredi à la vie en BD. Le New York des années 1930, l'imaginaire de l'enfance, des commentaires BD et plus. Vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude, pour parler bande dessinée. Et cette semaine, on va aller lorgner également du côté du cinéma d'animation, puisque l'Office national du film a lancé tout récemment, en fait, une série de courts-métrages, une série qui s'appelle Chronique du 9e art, dans laquelle ils ont invité des auteurs de bande dessinée à s'intéresser justement au cinéma d'animation et à adapter leur univers, mais dans la sphère du cinéma d'animation. Alors, entre autres, il y a Louis Trandem, il y a Guy Delisle et Sviane qui figurent parmi ses auteurs. Alors, on va parler un peu de l'expérience, justement, d'un BDiste en cinéma d'animation avec Sviane. On va parler également de son film La pureté de l'enfance, qui est fort désopillant, et des films qui seront qui sera possible de visionner à la télévision, notamment, mais également sur le web, et également lors du Festival de cinéma de la ville de Québec. Et sur le web, c'est sur onf.ca, et je pense qu'ils sont disponibles au moment où on se parle. Alors, allez-y voir. Si vous avez quelques minutes, là, ça vaut largement la peine. Alors, Sviane va être avec nous en deuxième moitié d'émission. Également, deuxième moitié d'émission, il y aura les commentaires BD de Jérôme Vermette. Et Jérôme, cette semaine, s'en va vers le fantastique en bande dessinée. Donc, trois suggestions BD autour de cet univers. Donc, ça, ce sera, je le rappelle, en fin d'émission. Et sinon, dans quelques minutes, on aura l'occasion d'échanger avec Michael autour de sa BD Giant, premier tome d'un diptyque qui nous entraîne justement dans le New York des années 30, l'époque de la construction des gratte-ciels. Et comme il nous a habitués dans Promise, Michael est de retour avec un opus absolument superbe sur le plan visuel, une mise en scène toujours fort réfléchie. C'est un plaisir pour les yeux, et en plus, l'histoire est rondement menée à travers tout ça. Alors, ce sera évidemment un plaisir pour nous d'en parler avec lui tantôt. Alors, c'est le menu pour cette semaine ici à La Vie en BD. On passe maintenant vers les actualités BD, comme à chaque semaine. On commence avec une triste nouvelle, en fait, décès du scénariste américain de bande dessinée, Alan Wayne, décédé le 10 septembre 2017 à l'âge de 69 ans, après plusieurs opérations chirurgicales récentes. Alors, on le connaît évidemment comme, en fait, un auteur de DC Comics, et avec Bernie Wrightson, il a créé le personnage horrifique Swamp Thing. Il a fait partie des premiers auteurs à succéder à Stan Lee. Chez Marvel, ensuite, il a repris des séries comme Spider-Man, comme Thor, comme l'incroyable Hulk, et des séries dans lesquelles il a introduit le personnage de Wolverine, donc cet héros aux griffes rétractiles qu'on connaît bien, Wolverine qui par la suite a été intégré à la série des X-Men qui avait été lancée en 1975 par Len Wein et Dave Cockrum. Len Wein va revenir dans les années 80 chez DC comme éditeur sur la série Watchmen d'Alan Moore et également Batman et Green Lantern. Alors évidemment, un personnage fort important de l'histoire du comics qui nous a laissé des personnages fort emblématiques. Et sinon, les résultats des Joe Shuster Awards également ont été rendus publics début septembre. J'en avais pas parlé la semaine dernière, alors je me rattrape cette semaine. Alors, notamment, en fait, le prix créateur de bande dessinée pour le web a été donné à Ty Templeton pour Bon Toons. Le prix du scénariste, c'est Jeff Lemire, et qui l'a obtenu pour sa production de l'année dernière. En fait, entre autres, Black Hammer, Descender, All New X-Men, Old Man Logan et plusieurs autres. Dessinateur de couverture avait été donné à Michael Chow, également pour l'ensemble de son œuvre. Dessinateur Yannick Paquette, entre autres pour ses Batman, Nightwing et Wonder Woman. Le meilleur auteur, leur catégorie auteur, en fait, c'est scénariste et dessinateur. Alors, il a été donné à Guy Delisle pour S'enfuir, récit d'un otage chez Dargo. Le prix de l'autopublication a été donné à Nounoumi pour Sky Rover. Le prix détaillant, et ça c'est un bel honneur pour la région de Québec, ça a été donné à L'Imaginaire, qui est nommé cette année en fait meilleur essentiellement détaillant de comics et de bandes dessinées à l'échelle canadienne. Et sinon, le prix de bande dessinée pour enfants a été donné, lui, à Eric Orchard pour Bera the One-Headed Troll. Et enfin, en fait, au Temple de la renommée de bande dessinée du Canada, eh ben, il y a de nouveaux auteurs, donc ils ont été intronisés, entre autres encore là, Québécois, Québécoise, dans ce cas-ci, Julie Doucet, qui a été intronisée dans ce temple important de la renommée. Il n'y a pas des masses de Québécois, d'ailleurs, là-bas, donc c'est tout un honneur. Également, la rejoignent Jack Tremblay, Gabriel Morissette, Laverne Kinderski, également, et Stuart Immonen, qui ont obtenu ces nominations. Alors, voilà pour les Joe Shuster Awards. L'ensemble des résultats, d'ailleurs, est disponible sur le web et pour la page, mais il faut toujours aller farfouiller sur le fil Facebook de l'émission, facebook.com/LaVieEnBD, vous allez l'y trouver, ou sinon, ben, en cherchant tout simplement le site des Joe Shuster Awards également. Alors voilà pour ces quelques clins d'œil sur l'actualité. En musique cette semaine, c'est la formation Spectre avec leur album Voyage qui nous accompagne. On écoute un premier extrait. De CKRL, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. On parle bande dessinée. Je vous rappelle également que si vous voulez mettre la main sur les balados diffusion de La Vie en BD, c'est possible sur lavieenbd.wordpress.com. Et maintenant, on passe à une sortie toute récente dont on voulait vous parler. Alors, il s'agit du nouvel album de Michael qui, après avoir travaillé comme dessinateur sur la série Promise, bien, revient maintenant comme dessinateur et scénariste. La série s'appelle Giants, c'est du côté de Dargo pour éditeur. Et Michael est avec nous au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Alors, Michael, dans Giant, en fait, tu nous amènes dans la ville de New York au tournant des années 1930. Et de ce que je me souviens, en fait, j'ai l'impression que c'est un décor, en fait, un univers que tu souhaites explorer en bande dessinée depuis déjà pas mal de temps. Oui, effectivement, New York, c'est une ville qui me passionne depuis l'enfance, en fait. Et puis, les années 30 sont une époque toute particulièrement propice à aborder de plusieurs thèmes que j'ai envie de partager avec mes lecteurs en tant qu'auteur. Et en fait, c'est un peu, j'imagine, le défi de quand on a un univers comme ça qu'on souhaite habiter, c'est de trouver une bonne porte d'entrée. Et de ce que j'ai compris au fil des entrevues que tu as offertes autour de Giants, c'est une photographie emblématique, là, celle de ces ouvriers qui sont sur une poutre en train de manger, qui t'a donné un peu l'idée de la porte d'entrée vers New York. C'est en plein ça. Quand je cherchais quel sujet aborder, je suis retombé, on était entre 2012 et 2013, je suis retombé sur cette photo que je connaissais bien sûr, mais lors d'un reportage, je suis retombé dessus, c'est la fameuse photo où 11 ouvriers lunchent au 69e étage du Rockefeller Center en construction en 1932. Et puis, c'était un flash, je me suis dit, voilà, c'est l'histoire d'un de ces ouvriers que je vais raconter, les ouvriers de la construction qui construisaient ces buildings emblématiques qui sont encore là aujourd'hui. Et comme personnage central, tu as choisi d'aller avec un géant taciturne que tu as appelé Giant. Pourquoi avoir casté ce type de personnage-là au cœur de ton récit? C'est par rapport au sujet, en fait. Mon personnage est un ouvrier qui est seul, qui a immigré seul aux États-Unis et qui depuis n'a pas réussi à aller de l'avant, à faire son deuil un petit peu de sa vie d'avant. Et il n'a pas la force mentale, on va dire, psychologique pour... il n'est pas résilient pour aller... Il n'a pas la force pour aller de l'avant. Donc, je suis allé vers quelqu'un physiquement qui, à contrario de ne pas avoir la force mentale d'aller de l'avant, a une force physique démesurée. Donc, c'est une espèce de... C'est un géant, un colosse irlandais. Et justement, c'est, enfin, au niveau psychologique, comme tu dis, en fait, il n'y a pas la force d'aller de l'avant. Et dans la dynamique du récit, tu lui opposes aussi un collègue de travail nouvellement arrivé sur le chantier qui s'appelle Dan, qui lui est un peu son antithèse. Il est verbomoteur, il est arrivé le jour du crash de 1929, donc il ne peut pas descendre plus bas. Et lui est beaucoup plus résilient, si on peut dire. Et les circonstances du récit, autant Dan que la correspondance épistolaire qu'il va entretenir avec la conjointe, dans le fond, d'un collègue de travail décédé, c'est ce qui va l'amener peut-être un peu à rebâtir cette résilience-là. Effectivement, il y a l'élément déclencheur, c'est le fait que les collègues de Giant lui le chargent de prévenir la famille en Irlande d'un de ses collègues qui est mort sur le chantier. Et puis en fait l'étincelle ça va être la rencontre avec Dan qui va vraiment le sortir de son enfermement dans lequel il s'est enfermé depuis qu'il a immigré en Irlande. Et c'est bien exprimé, justement, entre autres dans la correspondance, où à un moment donné, en fait, je trouve que ça représente bien le pivot pour ce personnage-là, où à un moment donné, on a l'impression qu'il commence à regarder ce qui l'entoure, qu'il commence à prendre conscience des gratte-ciels, à prendre conscience de ce qui se passe, enfin, à New York, en dehors de sa petite routine, si on peut dire. Effectivement, la correspondance qu'il entretient avec la veuve de son collègue le sort de sa solitude, tout comme Dan, son coéquipier, qui le colle toujours, qui est toujours en train de lui parler et qui le pousse vraiment à sortir de sa solitude, bien, il y a une rupture comme ça au milieu du tome 1 où, effectivement, Jane ouvre les yeux, ouvre les oreilles et écoute le bruit de la ville, se rend compte un petit peu de l'environnement qui est autour de lui alors qu'il était complètement passé à côté de tout ça, à côté de sa vie depuis qu'il était arrivé aux États-Unis. Et tantôt on parlait de l'image qui avait été un peu la porte d'entrée vers l'univers de Giant. Et en fait, l'album, d'un point de vue visuel, ce qui frappe, en fait, dès la couverture, dès les premières pages, je choisis d'aller explorer justement les tons sépia, un peu comme si l'album se racontait un peu en série de photos, d'une certaine façon, en gardant les couleurs de ces archives new-yorkaises-là. Effectivement, je travaille beaucoup avec des photos d'archives des années 30 qui sont en noir et blanc ou couleur sépia. Donc spontanément, je suis allé vers cette gamme de couleurs pour retranscrire au mieux l'ambiance de cette époque-là, pour vraiment avoir un côté vieillot. Mais également aussi, je me suis servi d'un style de peinture du début du XXe siècle qui s'appelait Ashcan School, donc l'école poubelle littéralement, qui étaient des peintres qui peignaient des scènes de vie quotidienne à New York au début du XXe siècle, et dans ces mêmes tonalités-là, des bleus délavés, des vieux rouges, et puis beaucoup de jaunes, de sépia, d'oranger. Donc tout ça au niveau de la couleur, parce que la couleur est quand même narrative dans Giant, elle sert à raconter l'histoire. C'est la dernière pierre pour mettre dans l'ambiance, en plus, bien sûr, du graphisme et de toute la narration. Oui, puis en fait, c'est comme un ton très, très ambiant, très, très constant, si on peut dire. Et à la limite, en fait, les moments où il y a d'autres types de couleurs, par exemple des jaunes qui viennent ressortir, c'est plus pour manifester visuellement des bruits, par exemple le marteau pneumatique des constructeurs ou autre. C'est ça, j'essaye aussi, toujours dans le but d'avoir une couleur narrative, c'est... à chaque fois qu'il y a un bruit fort, j'utilise un jaune un petit peu plus saturé qui vient casser le rythme des couleurs sépia et un petit peu vieillotte du reste de l'album. Tout comme aussi, j'utilise beaucoup de blanc. L'arrière-plan est souvent blanc pour bien dégager les personnages et puis pour montrer tout le vide qui entoure aussi mon personnage principal. Oui, en fait, autant quand dans des segments, on a l'impression qu'il y a des chutes qui peuvent se passer, autant quand il regarde, il réfléchit, ben, tout est blanc, un peu comme dans le fond de l'esprit. Donc, ça favorise une certaine immersion des processus comme ça pour le lecteur, en fait, se ressentir un peu l'ambiance au-delà du récit. Oui, ben c'est ça le but du jeu, c'est toujours d'essayer, par la narration, par la mise en scène, de retranscrire les émotions que vivent les personnages pour que le lecteur puisse s'immerger vraiment dans la lecture. Donc c'est plein de petits trucs comme ça, des trucs d'auteur qu'on développe au fur et à mesure des années, et puis le but étant vraiment chaque case doit dégager une émotion pour le lecteur. Et j'ai l'impression aussi, tu me corrigeras, Michael, et peut-être que ça va être encore plus explicité dans le deuxième tome, mais qu'on démarre avec des cadrages peut-être un peu plus horizontaux, si on peut dire, et qu'on ouvre tranquillement au fil du récit vers le vertical, au fur et à mesure que ton personnage s'ouvre aussi vers la verticalité de la ville, vers le ciel, les cases s'ouvrent également. Oui, c'est ça. Bien. Une belle analyse, effectivement. Plus je vais vers la fin du tome 1 et dans le tome 2, plus les cases sont plus verticales. Ça montre aussi l'évolution du building sur lequel il travaille, la tour principale de Rockefeller Center, qui au départ ne fait que 9-10 étages, et puis à la fin du tome 2, elle atteindra ses 69 étages. Donc à un moment donné, tu as besoin de vertical pour le montrer au complet aussi. oui, mais tout ça, ça participe à la narration, à la façon de raconter, et donc à l'immersion du lecteur, oui. Et tantôt, Michael, tu disais justement que la couleur, entre autres, c'est un peu le dernier ingrédient, parce qu'au niveau de l'image, il y a beaucoup de... J'ai l'impression qu'on fait un gros travail au niveau de l'ancrage, dans la mesure où... une partie de l'ambiance un peu crasseuse, un peu glauque, à la limite de certaines zones new-yorkaises, et me semblait beaucoup relié à l'ancrage, en fait, où on essayait d'avoir pas nécessairement un rendu propre, même si on travaille en numérique, où des fois on a l'impression qu'avec le numérique, on peut faire parfait, mais là, au contraire, en fait, j'avais l'impression que t'essayais de faire, entre guillemets, du sale. Oui, ben toutes les étapes graphiques doivent servir l'histoire, donc je pouvais pas avoir un graphisme qui raconte la vie quotidienne d'ouvriers dans un milieu dans des quartiers populaires immigrants de New York dans ces années-là. On est en pleine Grande Dépression, c'est très pauvre et très sale, surtout dans le Lower East Side et sur le chantier de construction. Donc il fallait que j'ai un graphisme qui serve l'histoire. Et donc c'est pour ça que je suis allé vraiment vers quelque chose de sali, de très assuré aussi, pour raconter au mieux l'histoire, tout comme la couleur, en fait. Et tout ça sert effectivement à... Le graphisme doit servir l'histoire, ça c'est le plus important. Et quand on est tout seul aux manettes, c'est-à-dire qu'en faisant le scénario, le dessin et la couleur, ça me permet comme ça d'avoir une espèce d'unité, d'avoir un tout, aussi bien les dialogues, le dessin que la couleur, tout est au service de l'histoire et ça, cela forme un tout. Et de quelle manière on lance le départ, en fait, au-delà du sujet, justement? Est-ce qu'on travaille d'abord l'ambiance, trouver un peu la couleur du récit, le ton du récit? Est-ce que c'est plus l'histoire, le scénario, dans le fond, qui va venir se placer, puis ensuite, selon l'évolution du scénario, que là, on va placer les éléments visuels, qu'on va faire le casting, ou un peu tout ça dans le désordre? Ou... La base est bien sûr le scénario, et dès l'écriture du scénario, j'ai des lignes de conduite graphiques. Ce qui me permet, comme j'ai dit tantôt, comme je suis à la fois le dessinateur du scénario que j'écris, ça me permet de penser au visuel, à la mise en scène dès l'écriture du scénario. Et ça aussi, c'est vraiment un plus. Même si la collaboration, par exemple, que j'avais eue sur Promise avec Thierry Rémy, c'était très très bien passé, mais ça me permet même vraiment d'anticiper le fait de tout maîtriser. Entre le scénario et le dessin jusqu'à la couleur, ça me permet vraiment d'être plus efficace pour raconter l'histoire, en fait. Oui, ben en fait, j'ai l'impression que c'est un retour un peu avant Promise, avant Rapa Nui. Dans le fond, tu étais scénariste et dessinateur sur les séries jeunesse. Ensuite, tu as fait un scénario adulte, tu as fait une série au dessin pour un public plus âgé aussi, dans ton sorifique dans ce cas-ci. Et là, tu réunis un peu ces deux-là après ton parcours, ta transition. C'est un peu peut-être un certain aboutissement, une étape quand même assez marquante, là, évidemment. dans cette, je dirais pas réinvention, mais dans cette nouvelle progression que c'était donnée depuis déjà quelques années. Oui, bah, de toute façon, depuis que je fais de la bande dessinée, moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter des histoires. Donc, je vois pas autrement de faire le scénario, le dessin et la couleur. Avant, effectivement, d'attaquer Rapanui et Promise, j'avais déjà entre 12 et 15 BD jeunesse où j'avais fait le scénario, le dessin et la couleur. Donc, effectivement, après avoir fait mes armes sur Rapanui et sur Promise, bah, spontanément, je suis revenu à raconter une histoire qui est personnelle, qui vient vraiment du fond du cœur, et je suis revenu à travailler sur les trois étapes de création que sont le scénario, le dessin et la couleur. C'est naturellement fait. Et une histoire qui, justement, on parle de résonance personnelle, en fait, un parcours d'immigrant. En fait, tu t'es établi au Québec il y a de ça déjà plusieurs années. Et en même temps, une résonance très actuelle aussi, dans la mesure où on parle d'immigration, de la part de la construction d'un pays, dans le contexte de débats aussi qu'on connaît autant ici qu'outre-mer. Donc, c'est un album qui se passe dans les années 30, mais qui a beaucoup de résonance avec nos réalités d'aujourd'hui. Oui, comme je disais tout au début de l'interview, effectivement, les années 30 me permettent d'aborder des sujets tout à fait contemporains, et par le prisme de cette époque-là, je voudrais toucher des thèmes très actuels, hein, la crise économique, l'immigration. Encore actuellement, on voit dans certains pays des immigrants qui construisent des tours sans fin, et donc c'est tout à fait contemporain. Et puis par rapport aussi au débat politique actuel sur l'immigration, sur le fait que les immigrants n'apportent rien à un pays, alors que si on regarde, ce sont toujours les immigrants qui ont construit les routes, les ponts, les bâtiments des pays, en fait. Donc c'est pour ça que les années 30 sont vraiment est vraiment une époque très, très intéressante pour moi à exploiter, et que je vais continuer d'exploiter après Giant. Et qu'on sent aussi à travers tout ça une recherche sur le plan, on en parlait sur le plan visuel, architectural et le reste, mais aussi sur le plan de l'histoire, dans la mesure où tu vas ancrer certains des débats justement qu'il y avait à l'époque. On est à la fin du mandat de Hoover, donc il va y avoir aussi des résonances. Donc tu t'intéresses à la petite histoire, mais tu laisses aussi des points de convergence avec la grande histoire dans les discussions de ces ouvriers-là, entre autres. Oui, ça ça fait partie du décor, en fait. Mon présentateur radio qui parle un petit peu en off comme ça, et qui dresse une toile de fond sur, en plus du visuel, ça amène d'autres informations pour vraiment ancrer ça. Comme tu dis, c'est la petite histoire de mes personnages qui est vraiment ancrée dans la grande histoire, et c'est important pour aussi avoir un côté vraisemblable de mon histoire, pour qu'on embarque, pour qu'on y croit, pour qu'on ait vraiment l'impression que ces gars-là aient existé. Enfin, les ouvriers irlandais qui ont participé à la construction ont bien existé, mais que mon personnage de Giant, de Dan, etc., il faut vraiment qu'on ait l'impression que ce sont des personnes qui ont existé, et puis qu'on embarque dans leur vie, en fait. Et justement, on fait le chemin avec eux au fil de ce premier tome-là. Le deuxième, lui, s'en vient, c'est pour l'automne prochain ou un peu avant? Non, il sortira en Europe on fait la sortie pour le Festival d'Angoulême, donc ce sera fin janvier. Et je viens d'écrire le point final, il y a de ça une heure, du tome 2. Donc là, maintenant, il va partir en post-production chez Dargo, donc on l'aura au Québec certainement au printemps, donc février, fin février, début mars certainement. Donc je pourrais dire que j'ai eu la première entrevue après la fin du tome 2. Exactement. On aura l'occasion de s'en reparler assurément. Je vais me garder quelques questions en banque pour poursuivre la discussion avec la sortie du tome 2. Michael, merci beaucoup. Merci à toi. Et au plaisir. À bientôt. Alors, je rappelle Michael, donc auteur de cette bande dessinée Giant. Premier tome, c'est du côté de chez Dargo. C'est disponible maintenant. Et de mon côté, en fait, je me prends quelques instants pour vous la recommander chaleureusement. C'est vraiment une excellente bande dessinée. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Vous ne le regretterez pas. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD ici sur CKRL 89.1 et on plonge dans la sphère cinématographique. En fait, le Festival de cinéma de la Ville de Québec qui bat son plein présentement. Et entre autres productions, il y a les Chroniques du 9e art qui sont présentées dans le cadre du festival. Donc une production de l'Office national du film où on va chercher des auteurs québécois de BD, des auteurs français de BD qu'on a invités à faire un court-métrage inspiré de leur univers 9e art, mais dans la sphère du 7e art. Alors, l'une de ces cinq auteurs est avec nous présentement. Sviane, bonjour. Allô, allô. Alors, Sviane, en fait, qu'est-ce qui t'a amené, peut-être, qu'est-ce qui t'a intéressé à participer d'emblée à une série comme ça, à dire, bon, OK, on va faire une transition de mon univers BD vers, justement, le cinéma d'animation? Ben, tu sais, moi, l'animation, ça m'intéresse depuis vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Quand j'étais jeune, je faisais des petits films de stop motion, l'animation. Je me suis gossé une table lumineuse quand j'étais ado. J'essayais de reproduire des affaires, des animations de Sailor Moon. J'écoutais beaucoup de dessins animés japonais. Je regardais plus de dessins animés que je lisais des bandes dessinées. Ça m'intéressait vraiment. J'ai fait un an en animation au Cégep du Montréal, ce qui fait en sorte que ça m'a toujours intéressé. J'ai regardé énormément de courts-métrages d'animation, puis je m'étais toujours dit un jour, je vais faire un dessin animé. Mais je savais juste pas quand. Puis l'occasion s'est présentée. En fait, j'ai reçu un email de Marc Bertrand, qui est le producteur de l'ONF, qui lui, il était sur ce projet-là, d'aller chercher des auteurs de bande dessinée pour leur faire de l'animation. Fait que moi, j'ai dit oui tout de suite, parce que ça m'intéressait. Oui, puis de ce que j'ai compris au fil des entrevues que tu as offert en amont, justement, du festival, c'est que l'appel de l'ONF est venu le même jour où tu as trouvé le sujet du film. Oui, lui-même. Oui. En fait, j'ai eu le sujet du film avant de savoir que j'allais faire un film. Donc, j'ai trouvé une cassette, que c'était une cassette que j'avais enregistrée quand j'avais 6 ans, 5-6 ans, je sais pas exactement quand, là, j'avais une petite enregistreuse Fisher-Price. Puis là, tu sais, j'ai quoi, 4-5 cassettes de juste moi qui dis comme des niaiseries, puis j'enregistrais plein d'affaires par rapport, puis j'ai écouté ça. Puis il y a comme des images qui me sont venues en tête en les écoutant, puis je trouvais ça bien drôle. Puis je me rappelle m'être dit en écoutant la cassette de faire « Hey, ça serait cool comme dessin animé, tu sais, je préfère un petit dessin animé là-dessus, parce que j'y pense de plus en plus. » Puis la journée même, j'ai reçu le courriel de Marc. Fait que, tu sais, genre, j'étais comme, c'est clair qu'il faut que je fasse ça. Lui était plus intéressé au début à faire une adaptation du Bestiaire des fruits, parce qu'il avait bien aimé. Moi, je voulais faire quelque chose de neuf, parce que le Bestiaire des fruits, c'était réchauffé, là, j'avais fait plein de fois. Fait que je suis bien contente, ils m'ont laissé faire ça, puis c'était vraiment le fun, là. J'ai pas mal trippé. Oui, puis j'imagine qu'il y a un plaisir, en fait, autant quand on retrouve des artefacts de nous jeunes. En même temps, d'un côté, c'est cool parce qu'on retrouve qui on était à l'époque, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que des fois, ça casse un peu, puis c'est un peu l'objet de ton film, ça casse un peu l'image qu'on a aujourd'hui de nous à l'époque. On était naïfs, sympathiques, des enfants frais et merveilleux, alors que finalement, on avait des préoccupations qui étaient pas nécessairement si naïves et si élevées parfois. Ouais, ben le film mais là-dessus, mais en même temps, j'ai l'impression que je mens un peu dans le film, parce que, tu sais, dans le film, je me décris moi-même dans le présent comme étant surprise de ma découverte, alors que je le savais très bien en écoutant la cassette, qu'est-ce qu'il y avait dessus, tu sais, je l'ai écouté des millions de fois à la cassette, là. Il y a des bouts que je me rappelais pas, il y a des bouts que je me rappelais, mais que je me rendais pas compte vraiment de qu'est-ce que je disais avec le regard d'aujourd'hui, tu sais, avec la perspective d'aujourd'hui, puis c'est très... Ben, tu sais, sans faire trop de spoilers, c'est très pipi cacapette, puis je parle beaucoup de sexe. C'est vraiment étrange. Là, je suis tombée là-dessus. Ouais! Mais il y avait beaucoup, beaucoup de bon matériel là, sur cette cassette-là. Il a fallu que je sélectionne des affaires, que je coupe des affaires, que je fasse un petit montage. Fait que ça, c'était quand même une partie difficile, là, parce que... Et justement, pour le contexte, en fait, pour ceux qui se demandent de quoi précisément on parle, c'est que, dans le fond, le film La pureté de l'enfance, c'est donc ton avatar animé, désormais, qui trouve donc une cassette que cet avatar-là avait produite dans l'enfance, qui est une vraie cassette que tu as faite dans l'enfance. Ouais. Et après ça, bon, on va chercher justement différents extraits, différents segments. Et donc, la sélection était difficile. Fallait, j'imagine, que tu ailles chercher les bouts aussi qui punchaient peut-être un peu le plus, parce que j'imagine que c'est pas non plus que sexuel et pipi caca non plus. Donc, on va chercher ce qui punch. Ou on choisit pour le récit, dans le fond? Mais je voulais quelque chose qui se tienne, parce que je voulais pas comme couper beaucoup de trucs puis faire une espèce de patchwork. Je voulais... En fait, c'est comme deux segments. J'ai pris un segment numéro un segment numéro deux, dans lequel j'ai fait des petites coupures, mais qui s'entendent pas, parce que c'était long, là. Puis j'ai ramené ça. Puis aussi, il fallait absolument que ça rentre dans 3 minutes. Parce qu'à la base, c'est une commande pour la télévision. Ça veut dire que je peux pas faire 3 minutes. Une! Tu sais, il faut que je fasse 3 minutes. Fait que ça faisait partie du défi un peu. Mais c'est le genre de contraintes que j'aime, là. Tu sais, c'est comme les 24 heures de la BD, là. Il faut que ça rentre là-dedans. Puis je rentre dans le cadre. Puis ça me fait triper pas mal. Ouais, en fait, de trouver une manière de maximiser la contrainte, de maximiser le potentiel. Puis après ça, de l'éclater. Puis en même temps, les parties, tu dis deux parties au niveau narratif. Mais au niveau visuel, il y a le présent, donc où t'écoutes la cassette, il y a le passé, donc l'univers de la cassette. Un côté, en fait, le présent qui est plus fidèle à ce qu'on connaît de tes BD, à ton graphisme habituel. Le passé qui va un peu dans la même tangente, mais fond noir, un côté très psychédélique, des couleurs un peu comme si c'était... en fait, ça me faisait penser aux feuilles qu'on prend quand on est jeune, puis qu'on gratte le noir pour trouver la couleur en dessous. C'est ça que je voulais faire. En fait, quand j'étais petite, j'avais ça. J'avais comme une espèce de jeu jocus, là, tu sais. On prenait une feuille de papier, on la coloriait, je pense, avec des crayons de cire ou des crayons de bois, avec toutes les couleurs qu'on veut, puis ensuite, on mettait une espèce de masque par-dessus noir, puis avec un cure-dent, on pouvait gratter dedans. Mm-hmm. Puis c'est ça que j'essayais d'avoir dans l'aspect... parce que je voulais que ce soit vraiment différent. Le présent, c'est noir et blanc, ça ressemble à mes BD, c'est moi, c'est mon avatar, mais quand on revient dans le passé, je voulais qu'il y ait une grosse différence entre les deux, puis qu'il y ait ce côté un peu enfant dans le traitement. Puis ça, j'étais un peu tombée là-dessus par hasard. Là, au début, je m'étais dit, ah, je vais faire ça avec des crayons de couleur. Fait que j'ai pris du papier, j'ai fait ça avec plein de crayons de couleur différents. Puis, tu sais, je voulais que ça fasse comme dessin d'enfant un peu. Mm-hmm. Puis c'est en gossant dans Photoshop un moment donné, je me suis dit juste, ah, je vais inverser les couleurs. Je vais juste faire invert pour voir ce que ça donne. Puis là, j'ai vu ça, puis là, j'ai eu le flash de ce jeu-là que j'avais quand j'étais petite. Puis ça avait vraiment comme carte à gratter, mais en tout cas, tu vois ce que je veux dire. Oui. Fait que c'est là que j'ai fait comme, OK, il faut absolument que ce soit ça. Là. Fait que toute la partie du milieu, dans le fond, la partie de la cassette, c'est ça. C'est couleur flash sur fond noir. Couleur flash sur fond noir, puis avec... ça suit un peu le discours qui est parfois décousu un peu aussi de toi enfant. Puis à un moment donné, il y a des mots qui viennent parader. Donc c'est... En fait, il y a un côté très... En fait, je reviens avec le terme psychédélique qui va aussi avec ça. C'est, je veux dire, il y a un petit côté Pink Floyd, là. J'ai même pensé à ça, mais je suis très plaisir. Ça me fait très plaisir quand tu le remarques de même. Qu'est-ce que j'allais dire? Je m'en rappelle plus. Mais dans le fond, on jouait avec les mots qui se promènent. Ah, c'est ça, j'allais dire. L'affaire, c'est que c'est quand même une vieille cassette. C'est une cassette. Tu sais, je faisais pas attention là, quand je m'enregistrais. Là. Des fois, j'étais loin du micro. Des fois, c'était pas un micro qui était détaché de la machine. C'était le micro qui était intégré dans la machine. Mm-hmm. Je le traînais partout. Ça fait toc, toc, toc. Des fois, t'entends mal parce qu'il y a comme quelque chose, un tissu qui frotte dessus. Fait que pendant tout le temps où est-ce qu'on entend la séquence, où est-ce que l'enfant parle, j'ai mis des sous-titres que j'ai écrits à la main avec une typo qui fait un petit peu BD, parce que je trouvais ça important, parce que sinon, il y a plein de mots qu'on manque. Là. C'est pas un enregistrement de très bonne qualité, mais je pense que... Mais c'est drôle aussi, parce que pendant qu'on faisait le film, le gars qui s'occupait du son, il s'est dit, tu veux-tu que je le clean? Parce qu'il y aurait eu moyen comme de vraiment faire un traitement du son pour faire ressortir les affaires. Mais en même temps, on était d'accord tous les deux qu'il fallait que ça reste un peu brut. Il faut qu'on l'entende que c'est une vieille cassette. Je veux que les gens regardent ce film-là puis ils sachent que c'est vrai. Je veux pas qu'ils se demandent. Mais il y a beaucoup de monde qui me demande « C'est-tu une vraie cassette? » Mais j'aimerais ça que ce soit comme évident. Oui, c'est une vraie cassette. Oui, c'est ma vraie voix. Oui, puis en fait, c'est que ça permet... Tu as le clash au niveau visuel, puis tu as le clash aussi au niveau sonore. Dans le fond, où toi qui parles actuellement, qui est donc ta voix aussi de narratrice actuelle, qu'on entend clean. Après ça, oups, on tombe avec la cassette qui est un peu plus, justement, qui a le filtre, le côté vieillot, dans le fond. Fait qu'encore là, ça vient trancher, ça accentue un peu les segments. Ça accentue le côté visuel, dans le fond. Les marquages que tu voulais faire. Mais je trouvais ça intéressant quand même qu'il y ait ma voix puis qu'on puisse entendre la différence entre les deux voix. Quoique à la base, je voulais pas qu'il y ait ma voix dans le film parce que j'ai essayé d'entendre ma voix. À chaque fois que j'entends ma voix, je suis comme « Oh my God! » Mais je me suis habituée là. Puis tu sais, c'est vrai que c'était le fun d'avoir la différence, d'entendre la différence de voix entre les deux puis de dire « Ok, oui, c'est la même personne. » Je sais pas si on l'entend tant que ça que c'est la même personne, par exemple. Ben, on le devine en cours de route, mais effectivement, ça prend un temps pour se dire « Ok, c'est une vraie cassette. » En fait, c'est comme là, on a la première écoute du film ou est-ce que c'est une vraie cassette? Puis après ça, la deuxième, on écoute pour surveiller puis on « Ok, ça pourrait être la même. » Mais la voix évolue, la voix change. Hein, c'est sûr, mais tu sais, je l'ai pas forcé non plus. Là. C'est-à-dire que j'aurais pu essayer dans mon discours du présent de reprendre des expressions pour faire plus le lien, mais en même temps, je voulais pas faire quelque chose qui était comme... Ben, qui était forcé. De toute façon, toi aujourd'hui, puis toi à 6 ans, c'est pas exactement la même personne. Non, j'ai pas les mêmes sujets de conversation. <C'est ça. rire> Ou les mêmes expressions non plus, donc. Oui. Puis en fait, la différence peut-être, j'imagine, avec c'est du travail d'animation puis de la bande dessinée. La bande dessinée, c'est pas mal un travail solo. Tu fais essentiellement ce que tu veux, tu vas dans la direction où tu veux avec l'accord de ton éditeur. Mais parallèlement, l'animation, ben là, c'est un travail d'équipe, dans le fond. Déjà, t'étais pratiquement en duo avec Janet Perlman, qui était ton animatrice. Oui. Puis, il y a une grosse équipe aussi autour de ce film-là. Donc, c'est une dynamique de travail complètement différente. Oui, tout à fait. En fait, c'est la principale affaire qui m'a marquée de cette expérience-là. C'est qu'à quel point travailler... Ben, je me suis rendu compte, en fait, que, mon Dieu, en BD, on est vraiment tout seul. Je savais qu'on était tout seul en BD, mais en faisant ce projet-là, je me suis rendu compte encore plus, là. Sinon, Janet, ouais, c'est ça, j'ai pas animé. C'est pas moi qui ai fait l'animation du film. Puis c'est quand même une grosse partie, là, l'animation, de faire bouger les dessins. J'ai fait les pose-clés, les sketchs des pose-clés, mais c'est elle qui a insufflé un peu la magie, là. Elle a rajouté un paquet d'affaires, là. Puis le film aurait pas été la même affaire si c'était moi qui l'avais animé. Ça me tente beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animer, là. J'adore l'animation, j'aimerais ça en faire plus. Mais pour un premier film comme ça, j'étais contente que Janet vienne parce qu'elle avait vraiment la touch. Sinon, c'est sûr que oui, il y avait comme beaucoup de monde autour, là. Il y avait le producteur, le directeur technique. Après ça, la post-production, c'était fascinant, là. J'apprenais plein d'affaires. Il y avait plein de monde qui, tu sais, la conception sonore, le mix final à la fin. J'étais vraiment excitée, en fait. C'est vraiment cool. Puis, en fait, mais je suis pas habituée à travailler comme en équipe de même. Pas du tout, du tout, du tout. Mais c'est une adaptation à faire? Pour s'habituer, pour tomber dans le bain, où on dit, bon, OK, là, c'est en 3 minutes, on joue le jeu, puis est-ce que c'est quelque chose que t'aimerais après ça réitérer, un travail en grosse équipe? Ou... Bien, je vais t'avouer que c'est pas... Entre travailler toute seule, travailler en équipe, j'aime mieux travailler toute seule, parce que je peux plus comme essayer des affaires puis me planter. Quand on travaille en équipe, j'ai l'impression qu'il faut que tu sois plus à l'écoute du reste, puis il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, peut-être que tu devrais pas aller dans cette direction-là, blablabla. » Il y a comme du compromis comme ça. Mm-hmm. Quand je travaille tout seul, tu sais, je m'en vais en ligne droite, puis un moment donné, je me rends compte « Oh, j'ai fait 10 pas de trop! » Fait que, tu sais, je reviens en arrière, puis je m'en vais dans une autre direction. Puis on n'a pas nécessairement ce luxe-là quand on travaille en équipe. Par contre, c'est une dynamique de travail différente, puis ça fait en sorte qu'il y a beaucoup d'input de l'extérieur, de gens qui sont super talentueux, mm-hmm. super dedans aussi. Je veux dire, c'est du monde qui était vraiment motivé à travailler sur mon projet. Fait que ça aussi, c'était, tu sais, j'étais moins dans le noir. Quand on travaille dans une bande dessinée, on est vraiment dans le noir, là. Tu sais, genre, j'ai un peu des inputs de mon éditeur de temps en temps quand j'y envoie, mais je le fais lire à des gens, mais... Je ne sais jamais vraiment où est-ce que je m'en vais. Tandis que là, j'avais tout le temps comme du feedback constamment dans le processus. Fait que... Donc, un peu moins de liberté d'expérimenter, mais beaucoup plus de feedback. Oui, c'est ça, dans le fond. Comparativement même en BD, mais même en parallèle au blog ou à des publications plus anonymes, si on peut dire, ou plus subtiles, où là, tu peux expérimenter à fond aussi, dans le fond, donc ça donne différents axes. Ben, pour moi, blog, livre, tout ça, c'est pas mal la même méthode de travail puis la même affaire. Je vois pas vraiment de différence entre une BD que je fais, mettons, ben, au niveau de la méthode de travail, là, mm-hmm. parce qu'au final, ça revient à peu près au même, c'est-à-dire que j'ai une idée, je travaille sur mon affaire, puis je le monte après. Fait que j'ai pas... La seule différence, c'est que le blog ou les BD comme ça pour des collectifs ou je sais pas, ça va être des choses courtes. Ce qui fait en sorte que ça va comme sortir tout de suite, puis je vais avoir un feedback plus rapidement. Puis avec la contrainte aussi de faire court plutôt que de te lancer sur un 300 pages. Oui, oui, oui, oui. Ouais, ouais. Mais 300 pages, ça n'arrive pas si souvent que ça, mettons. Et en même temps, en fait, tu fais donc du cinéma d'animation, tu t'es lancé un peu dans l'expérience justement avec l'ONF. En mm-hmm. parallèle, il y a Apnée, si je me trompe pas, puis les deuxièmes aussi qui ont été adaptés en live avec des comédiens. Vrais acteurs. Et là, est-ce que dans le fond, on parlait de travail d'équipe pour la production, puis dans d'autres cas, c'est un peu, j'ai l'impression, de laisser ton histoire à d'autres aussi, puis de voir comment eux vont en récupérer leur histoire, ton histoire, dans le fond? Oui, bien, en fait, c'est pas juste récupérer, c'est vraiment, ça passe par un autre filtre totalement, là. Ça va être la sensibilité de chaque réalisateur, puis en tout cas, c'est spécial comme expérience, quand même, là. Tu sais, tu fais quelque chose, puis tu le jettes dans la mer. Là. Déjà, quand tu fais un livre, c'est, tu fais quelque chose puis tu le jettes dans la mer. Puis là, il y a quelqu'un qui le reprend puis qui prend ton objet puis qui le transforme un peu. Il joue avec comme de la pâte à modeler. Là. Fait que, ouais, c'est assez fascinant de voir ça. Est-ce que ça t'amène un autre regard sur l'histoire que tu as fait de voir, en fait, parce qu'on t'en parle de tes BD, en fait, je prends les deuxièmes ou Apnée, mais tu as fait des entrevues, il y a eu des analyses. Bon, c'est des BD qui ont été discutées, si on peut dire, mais après ça, de voir quelqu'un qui fait une autre œuvre à partir de ton œuvre, est-ce que ça vient changer encore un peu ton regard sur le travail initial ou apporter un autre éclairage? Ou... Bien, probablement, mais je te dirais qu'il est encore trop tôt. Tu sais, je suis encore... c'est récent quand même, ces livres-là, tout est relatif, là. Je veux dire, Apnée, c'est 2010, fait que ça fait 7 ans. Oui, c'est récent. Pour pas qu'on vieillisse trop vite, c'est récent. Oui, c'est ça. C'est quand même récent, fait que j'ai pas un assez grand détachement. Fait que, tu sais, le film, il sort, puis tu sais, je viens juste comme de me dire, OK, cette BD-là existe depuis un certain temps. Fait que, tu sais, peut-être aussi quand je vais revoir le film dans 5 ans, moi, mon premier choc, ça a été comme... OK, wow, c'est pas comme le livre, tu sais. Fait que passer cette étape-là, là, après ça, tu sais, dans 5-10 ans, on va pouvoir en reparler, là. Et c'est quelque chose, en fait, est-ce que t'as l'impression, parce qu'il y a pas tant de BD qui sont adaptés en film au Québec ces temps-ci, en fait, il y a comme un intérêt, peut-être avec justement les deux courts-métrages adaptés d'Étienne, il y a Paul à Québec, quelques autres trucs. Est-ce que t'as l'impression qu'il y a quelque chose de cinématographique dans tes BD? Puisque en même temps, Apnée les deuxièmes, effectivement, il y a quand même quelque chose qui fait qu'il y a une sensibilité visuelle qui est quand même très forte dans ce que tu proposes. Oui, oui, ben, tu sais, je le dis souvent ces temps-ci, moi, j'ai l'impression que quand je fais de la BD, c'est un peu à défaut de faire du cinéma, là. Tu sais, j'exploite pas super bien le médium de la bande dessinée. Il y en a qui vont vraiment plus puis qui font des bandes dessinées que, tu sais, tu regardes, là, puis ça ne peut être que des bandes dessinées. Moi, j'ai l'impression que les bandes dessinées que je fais, c'est surtout des choses qui s'apparentent un peu au storyboard. Fait que je pense que ça appelle bien une adaptation cinématographique. En même temps, tu sais, je vais t'avouer que je suis pas super friande des adaptations de manière générale. Tu sais, je me dis, si tu fais un film, pourquoi pas faire quelque chose qui est fait pour le film, puis que tu racontes toi-même plutôt que d'aller chercher une autre œuvre. Mais en même temps, tu sais, si quelqu'un, à un moment donné, regarde quelque chose, puis il est foudroyé par une œuvre, puis ça l'inspire, puis que ça l'amène ailleurs, tu sais, pourquoi pas? Moi, ça me fait super plaisir qu'il y ait du monde qui fasse des films avec mes livres. Puis de ton côté, est-ce que côté animation, c'est quelque chose que tu aimerais poursuivre? Peut-être aller chercher justement aussi le côté musique qu'on voit présent dans tes BD, mais là, j'imagine de s'inspirer d'une œuvre, par exemple, mais musicale pour créer une œuvre dessinée ou en animation. C'est clair que oui, là. Je veux dire, tu sais, moi, pour moi, l'animation, c'est vraiment comme à mi-chemin entre la bande dessinée puis la musique, là. Puis on s'entend que la musique, c'est pas mal présent dans mes bandes dessinées. Puis tu sais, un de mes grands rêves, ce serait de faire un film d'animation sur des tunes de Prokofiev. Ben, j'y pense depuis vraiment longtemps. J'ai d'autres, tu sais, je me suis mis à avoir plein d'idées, là, de films d'animation, mais tu sais, c'est tous des projets qui vont durer des années, là, tu sais. J'ai cette idée-là, mais c'est un film d'une heure, tu sais, un film d'une heure en animation, là. En tout cas, tu sais, je peux pas travailler tout seul là-dessus, là. Fait qu'on verra. Pour l'instant, je travaille pas là-dessus, je travaille sur un projet de revue, puis ensuite, peut-être, je me dis que je me tournerai peut-être vers l'animation. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et puis, projet de revue, dans le fond, c'est quelque chose de plus personnel, là. On parlait d'expérimentation tantôt, c'est un peu l'objectif d'essayer des choses, de les proposer à un public plus restreint, parce que c'est disponible à Montréal, un peu à Québec chez Pantoute, mais c'est un tirage limité, ces revues-là. T'en as 3 de publier depuis déjà quelques mois. Oui, en fait, ça fait 1 an et demi. J'en publie un numéro à chaque 6 mois. Puis c'est vraiment varié. La deuxième partie, c'est tout le temps comme un espèce de feuilleton, parce que je fais ça, dans le fond, pour me motiver, pour faire... parce que je suis en train de faire une grosse histoire de 300 pages. Puis tu sais, je suis pas capable de rester chez nous puis juste faire mes 300 pages d'une shot, là, en restant dans le noir, dans ma tanière, là. Je me suis dit... J'étais habituée, mettons, de le mettre sur Internet pour le site chat, d'avoir, tu sais, un peu du feedback. J'aime ça montrer mes affaires au fur et à mesure. C'est un petit peu stressant parce qu'après ça, une fois que tu l'as montré, tu peux plus ou moins revenir en arrière dans ton scénario. Fait qu'il faut vraiment que ce soit solide. Mais, tu sais, c'est une contrainte intéressante. Puis ça me motivait à le faire. Je fais des petites publications. Puis je me suis dit, tant qu'à faire une petite publication avec ce feuilleton-là, je vais prendre la deuxième moitié de la revue pour mettre du n'importe quoi dedans. Fait que je m'amuse, là. C'est comme... Moi, je le vois un peu comme une version papier de mon blog, si tu veux. Tu sais, le blog, j'aimais ça parce que je faisais plein d'affaires, puis je m'en foutais un peu, puis je fais comme, OK, si je fais de la merde, ben c'est pas vraiment grave, tu sais, c'est juste sur Internet. Là, ça va rester un peu, mais en même temps, c'est un petit tirage, puis je sais que, tu sais, j'en tire entre 300 puis 500, puis je vais pas les rééditer, là. C'est juste comme un one-shot, je fais mes affaires. Des fois, il y a des affaires que je rate un peu, mais c'est pas grave, tu sais, je continue, puis genre, je vais en faire 8, je sais déjà. Puis c'est, ça, ça, je l'aime vraiment, ce projet-là. Il y a beaucoup d'amour là-dedans. Alors, on peut découvrir tout ça. Et je vais donner aussi, pour La pureté de l'enfance, quelques occasions de le voir. Évidemment, en fait, ça va être diffusé à partir d'aujourd'hui du côté de l'ONF, enfin, à partir du 15 septembre, sur le site onf.ca. Dans le cadre du Festival de cinéma de la Ville de Québec, c'est le 20 septembre à 19h, la prochaine diffusion. Également sur Art TV, le 18 septembre à 22h30. Donc, la série s'appelle Chronique du 9e art. Il y a aussi Guy Delisle, Louis Strandem et d'autres qui propose des courts-métrages d'animation dans ce contexte. Sviane, merci beaucoup. Un gros merci, Raymond. Voilà, dernière ligne droite de la vie en BD, une ligne droite qu'on partage avec Jérôme Vermette, l'un de nos libraires en résidence. Jérôme, bonjour. Salut Raymond. Alors, de retour pour une nouvelle saison, nous partager des regards, des commentaires BD. Et pour amorcer cette nouvelle saison, tu as choisi de t'en aller vers l'univers un peu du fantastique, j'ai l'impression. Ouais, ben moi, je suis du genre à être ben déjà en partant, j'aime beaucoup ce genre-là. Et puis, je trouve toujours que l'automne là, qui s'en vient tranquillement pas vite s'y prête toujours très bien. Fait que c'est un peu pour ça que j'ai décidé d'y aller avec ce thème-là pour mon entrée en matière cette saison. Et pour commencer tes suggestions, on se lance avec Providence. Ouais, ben ça commence béton, je dirais. Oui. Déjà en partant, c'est Providence, c'est un triptyque qui avait été publié en 12 livraisons en anglais. Donc, triptyque publié par Panini Comics, écrit par le mythique Alan Moore, qu'on connaît surtout pour Watchmen et puis V for Vendetta. Providence, c'est un peu son ultime regard, je dirais, sur l'œuvre de Lovecraft, qui est un auteur que j'adore, comme beaucoup de monde d'ailleurs, c'est un auteur culte. Donc, Alan Moore et Jason Burroughs, qui est le dessinateur, ils avaient déjà fait un premier travail sur Lovecraft avec le one-shot Neomicon, qui se déroulait à l'époque contemporaine. Et là, Providence, c'est un peu comme un prequel, je dirais. Qui se déroule en 1919. Alors, le lecteur suit l'enquête menée par un personnage qui s'appelle Robert Black, qui est pratiquement l'équivalent d'un personnage très Lovecraftien, quelqu'un qui a énormément de culture, très rationnel, qui part en quête qui s'intéresse aux croyances de la Nouvelle-Angleterre. Donc, il parcourt la Nouvelle-Angleterre pour découvrir les croyances et il se frotte à une société secrète qui s'appelle la Stella Sapiensi, la sagesse des étoiles, et donc il va découvrir des gens qui, pour ceux qui ont lu leur Lovecraft et qui le connaissent bien, vont pouvoir faire des liens, là, ah, ça c'est tel personnage dans telle nouvelle, ça c'est tel lien, tout ça. Mmh. Éventuellement, le personnage lui-même finit par rencontrer Lovecraft, et en tout cas, j'ose pas trop en parler parce que derrière tout cet hommage-là et cette étude de l'étude de Lovecraft qui est à première vue très lourde. J'ai des gens qui ont trouvé ça difficile d'embarquer parce que c'est très, très intellectuel et il n'y a pas beaucoup d'action. Ça se termine dans le troisième tome par une synthèse très forte qui vient lier et la trilogie Providence et Neonomicon avec les personnages qui se retrouvent ensemble. Donc c'est le genre d'histoire en fait où embarquer c'est pas nécessairement évident, mais en cours de récit on est récompensé, si on peut dire, par notre effort. Là. Je dirais même c'est très intense dans le sens que ça nécessite peut-être plus qu'une lecture. La première lecture va être enthousiasmante parce qu'Alan Moore maîtrise de toute façon très bien le scénario, évidemment. La montée de l'étrange se fait toujours tranquillement. Les nouveaux qui découvrent l'œuvre d'Alan Moore vont peut-être être désarçonnés par le fait que souvent les chapitres sont séparés par des journaux tenus par des personnages, donc on a souvent le point de vue du personnage principal après avoir vu ce qui s'est passé. Donc ça, c'est pas en bande dessinée, c'est vraiment en prose. Mais l'étrange qui monte tranquillement pas vite, et évidemment, là, il y a comme l'ultime descente aux enfers, si j'ose dire, dans le dernier chapitre. Après l'avoir lu comme ça, qu'on voit toute la synthèse qu'Alan Moore en a fait, qu'on le relit, ça devient comme complètement autre chose. C'est très, ça peut paraître très lourd, mais quand on le relit en ayant vu la finale et tout ça, on redécouvre et on peut aller encore plus loin. Je dirais qu'il y a tellement de nouveaux de lecture parce que c'est Alan Moore. Oui, ben en fait, on dirait que c'est toujours comme ça dans ses bonnes œuvres. En fait, si on peut dire de Watchmen, From Hell. Ouais. En fait, il récompense un peu le lecteur attentif et il récompense aussi le lecteur qui fait 2, 3, 4 lectures. Ouais, oui. En fait, c'est pratiquement une architecture, hein, un scénario d'Alan Moore avec plusieurs niveaux là, qu'on grimpe au fur et à mesure qu'on lit et relit, là. Tout à fait. Et puis, évidemment, le dessin de Jason Burroughs est tout à fait magnifique dans le détail, dans la séquence, des fois des points de vue subjectifs. Tout ça, tout semble. On a l'impression pratiquement parfois de voir carrément une caméra tourner, là. C'est vraiment magnifique là, comme œuvre. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je crois que les vrais fans de Lovecraft, ceux qui adorent l'œuvre de Lovecraft, ne peuvent que prendre plaisir là, à passer à travers et à découvrir tous les clins d'œil que leur a laissé Alan Moore. Alors ça, c'était Providence. Oui. Et tu parlais de Descente aux Enfers. Le deuxième titre que tu nous proposes, c'est Ultimex en Enfer. Il y a un lien. Oui, mais seulement dans le titre. Oui. Ultimex en Enfer, qui est dont le premier tome s'appelle « Ni Dieu, ni maître, ni glaçon dans le whisky ». Là, je suis carrément dans autre chose, si ce n'est que c'est du fantastique, le seul lien que je puis faire. Ultimex en Enfer, on est là avec des personnages qui sont vraiment d'ultime anti-héros. C'est des tueurs à gages qui ne pensent qu'à prendre la drogue et à baiser, si j'ose dire. Et éventuellement, un de leurs amis se retrouve en enfer et fait des podcasts pour dire comment est sa vie. Et eux, ils se mettent à paniquer là-dessus, donc ils ne veulent pas y aller en enfer et ils essaient de faire des bonnes œuvres pour s'éviter l'enfer. Ils vont même jusqu'à aller prendre un prêtre en otage pour faire leur acte de contrition. Et éventuellement, ils doivent y aller en enfer, donc ils s'y retrouvent malgré eux. C'est le premier tome d'un diptyque. C'est la première fois que je découvrais cet auteur-là. Le personnage, je crois que c'est pas le premier album, d'après ce que j'ai cru comprendre, le personnage Ultimex, qui est seulement un humanoïde avec une tête qui n'est qu'un gros œil, et son acolyte, lui, est un humain normal, mais qui est antisémite et tout ça. Donc, c'est bourré de gags, je dirais, de mauvais goût, mais drôle justement à cause de ça, parce qu'ils vont toujours très loin, ils insultent les femmes. C'est du mauvais goût assumé, là, vraiment. Ouais, c'est ça, exactement. On sent que l'auteur, c'est pas ça qu'il veut dire, mais c'est des anti-héros, donc c'est vraiment de l'humour de mauvais goût pleinement assumé. Et il se retrouve avec un personnage qui est un squelette, qui est un mérovingien, parce que en enfer, on vieillit pas, mais on peut continuer à pourrir. Donc, c'est pour ceux qui aiment vraiment l'humour absurde et je dirais là un peu tarantinesque là, et dans l'action et dans les dialogues, les gens devraient se bidonner vraiment là, mais à mettre hors de portée des enfants. Dans le haut de la bibliothèque. Oui, genre au niveau visuel c'est correct, mais à partir du moment où on se met à lire là, c'est carrément autre chose. C'est fini. Ouais. Et troisième titre, Jérôme, Psycho-investigateur. Ah, oui, ça c'est plus particulier là. Tu sais que moi j'aime bien les bandes dessinées où on s'éclate avec les séquences. Psycho-investigateur est de cet ordre-là. Alors, au niveau de l'histoire, c'est très simple, c'est très holmesien. On a l'impression un peu d'être dans une histoire à la Sherlock Holmes. Le personnage principal s'appelle Simon Radius. C'est un psychanalyste qui a la possibilité de rentrer dans la mémoire des gens. Et il utilise ce pouvoir-là pour faire des enquêtes lorsqu'on le lui demande. Et comme dans une nouvelle de Arthur Conan Doyle, il y a quelqu'un, un fils de riche, qui lui arrive et lui dit « Ouais, moi, je cherche le trésor de mon père, mais mon père est amnésique et j'ai besoin que vous veniez le chercher. » Donc, la grosse partie de la bande dessinée, le personnage Radius rentre dans la mémoire du père en question et à chaque fois qu'il y rentre, il retrouve des trucs dans le manoir en question. Donc, vous voyez là, le décor est très holmesien encore. On est dans un manoir de riche. Le personnage du père est passé un peu partout dans le monde. Donc, il y a des artefacts de l'Inde, de l'Iran qui était naissante et tout ça. Ce que j'ai trouvé vraiment le fun là-dedans, outre l'histoire qui est quand même intéressante, et l'enquête, on se laisse mener, c'est la manière dont les planches sont faites. Premièrement, les formes des cases sont toujours en ligne avec l'action. Par exemple, pour raconter l'histoire du père, c'est une double planche qui montre une coupe du manoir. Et on voit les trois étages et les personnages qui se promènent tout au long des étages et dans lequel, donc c'est comme s'il faisait une visite du manoir avec une coupe, et dans lequel on voit tous les artefacts que le père a ramassés. Donc ça nous permet d'avoir une idée du passé du personnage. Et bon, comme je vous dis, il joue beaucoup avec les formes. Des fois même, il fait des planches où, je donne un exemple de planche qui est assez particulière. Un des personnages, la femme de celui qui est allé chercher Radius, est aveugle et son fils est sourd. Et à un moment donné, Radius doit utiliser leurs souvenirs à eux pour découvrir quelque chose. Donc la planche est d'un côté, on a des cases qui sont simplement grises avec des écrits à l'envers, et l'autre case, on voit ce qui se passe, mais les bulles sont vides parce que c'est lui qui est sourd, donc il n'a vu que les images et l'autre a tout entendu. Donc alors un beau jeu de construction, si on peut dire. Exactement. Donc le lecteur qui met la page en transparence peut finalement voir ce qui se passe, en comme si on vivait en même temps que Radius qui fouille les souvenirs en même temps. Donc il y a des constructions comme ça dans ce livre-là qui sont tout à fait magnifiques. Et donc, en terminant, puisque le temps file déjà, oui. Jérôme, on peut dire que c'est trois titres que tu recommandes pour différentes raisons, on le devine, mais que ce soit Providence, Ultimex en enfer ou Psycho Investigateur. Oui, tout à fait. Pour différentes raisons, effectivement, j'insiste. Jérôme Vermette, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, vraiment. Puis on se dit au mois prochain. À la prochaine, au revoir. Salut bien. Alors voilà, Jérôme Vermette, libraire du côté de la librairie La Liberté, l'un de nos libraires en résidence. Et nous, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. La semaine prochaine, on aura Denis Rodier qui viendra nous parler de Lénine, également SB, qui nous parlera du tome 2 du Bouddha brisé. C'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente soirée sur les ondes du 89.1 CKRL.